savais, tu existais, que tu étais là, que tu m'attendais, de mes plus beaux rivages, de mes plus beaux voyages, je revenais. M'a posé sur ton visage, je ferme les yeux et mes doigts tremblent sur tes joues. Je te sculpte, je te peins chaque ligne et chaque trait. Me raconte ce que tu es. Mes mains sur ton lit, je lis sur ton front les mots de ton histoire, ce que tu as dû taire, à tort et à raison. Mes doigts parcourent tes sentiers, tes chemins escarpés, les montagnes dont tu es fier, celles qui t'ont fait rire et pleurer. Te découvre, je tourne les pages, chaque ligne de ta vie. Je te